Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse à accorder cet entretien à la radio francophonienne. Monsieur Soral, quelle évaluation portez-vous sur le sommet européen à Bruxelles, s'il vous plaît? Ce vaste sujet, je crois que cette oligarchie européenne, qui est jamais que le, comment dirais-je, qu'une partie de l'oligarchie mondialiste, essaye de repousser le moment où elle sera obligée d'admettre, je dirais, de valider, d'admettre l'effondrement de tout le système monétaire, on va dire mondialisé. Donc en fait, là, on est dans un reculé pour mieux sauter. Alors évidemment, après, faut connaître un petit peu le pourquoi économique de tout ça. En fait, si on prend un peu de recul, tout le système fonctionne sur deux abstractions, hein. Une abstraction frauduleuse qui est le dollar papier qui ne repose sur rien, c'est-à-dire que le système mondial fonctionne sur une monnaie de référence qui est une fausse monnaie. Et puis une autre abstraction stupide qui est la zone euro qui n'a aucun sens, qui en fait il ne peut pas y avoir un euro parce qu'il y a une trop grande disparité des économies européennes. Et en fait, ce double système additionné à la logique de la dette fait que. En fait, après de lentes dérives et des maquillages où on fabrique de l'argent pour essayer de faire redémarrer la machine totale est bloquée sous une énorme pile de dettes avec de la fausse monnaie d'un côté et une économie générale bloquée de l'autre. Avec en plus là une aggravation, c'est qu'on oblige, je dirais, la Chine à rentrer dans le jeu puisque la Chine a besoin que ses clients ne fassent pas faillite. C'est-à-dire qu'on est en train d'achever de mondialiser la crise mondiale. Et en fait, on s'approche de la fin. Je pense que l'enjeu de cette réunion était de sauver les apparences encore un petit peu pour tenir, à mon avis, jusqu'aux échéances présidentielles qui se passent un peu partout, en France, en Russie, aux États-Unis, de 2012. Voilà. Et comme vous l'avez très bien remarqué, M. Soral, la Chine aussi est entrée en jeu. Le président français Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec son homologue chinois par téléphone. On peut également solliciter l'aide d'autres organisations, par exemple comme le FMI. Ça ne sera pas une atteinte à la souveraineté de l'Europe? De toute façon, l'Europe n'a jamais été souveraine, enfin, puisque l'Union européenne n'est jamais que, je dirais, le cheval de Troie pour aller vers la mondialisation totale sous pilotage américain et sous comment dirais-je, le règne de Wall Street et de sa logique, hein. Donc, de toute façon, là, on a simplement obligé les Chinois, qui effectivement ont besoin que leurs deux principaux partenaires commerciaux, l'Europe et les États-Unis, ne fassent pas faillite, puisqu'il faut comprendre que la Chine est surproductrice d'objets de consommation, mais n'a pas le marché intérieur qui correspond à sa production, et donc est obligée finalement de prêter de l'argent à ceux qui lui en doivent pour pas que tout le système s'écroule. Donc voilà, on a fait que, en fait, comme on ne veut pas réformer le système, on fait que contaminer un peu plus chaque jour. Et d'ailleurs, on remarquera que ce sont ceux qui ne sont pas dans ce système, que ce soit l'ancienne Libye de Kadhafi, l'Iran actuel ou même le Danemark, ce sont ceux qui ne sont pas dans la zone euro et ceux qui ne sont pas totalement et intégralement soumis au dollar de la fausse monnaie de Wall Street qui échappent à cette crise. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que l'Empire américain va voler de l'argent partout où il est en se servant de son armée et est allé récemment d'ailleurs voilà, finalement piller le trésor libyen. Comme demain, il essaiera sans doute de ramener dans la logique de la dette d'autres pays comme l'Algérie ou malheureusement l'Iran. Monsieur Soral, vous voulez dire alors que la crise actuelle profite en quelque sorte à l'Empire américain? C'est pas que la crise profite à l'Empire américain, c'est que l'Empire américain est responsable intégralement de cette crise pour une raison déjà très importante, c'est qu'en 1971, sous les conseils de l'économiste Friedman, la référence à l'or a été totalement supprimée, ce qui veut dire que toutes les monnaies du monde sont obligées de se référer à une monnaie qui elle-même ne se réfère à rien d'autre qu'à elle-même et qui est de la fausse monnaie, c'est-à-dire de la voyoucratie, hein, qui s'appelle le dollar, qui est du papier. Et on est passé progressivement d'une escroquerie qui, plus elle est devenue visible, s'est transformée en, je dirais, en braquage, c'est-à-dire en gangstérisme. Voilà. Et le gangstérisme, c'est le recours à l'armée, à la force militaire et à la violence, quand les gens commencent à comprendre une escroquerie. Donc toute cette catastrophe est basée sur cette fausse monnaie de référence qui est le dollar et qui est du pur papier, et aussi sur quelque chose qui rejoint ça, qui est comment dirais-je, la loi de 73 en France, qui s'est étendue après à l'Europe entière, qu'on appelle aussi loi Rothschild, qui est le fait que les États ont perdu le droit d'émettre leur monnaie et qu'aujourd'hui, le système de la planche à billets appartient entièrement aux banques privées. Donc en fait, on a un système financier qui est l'addition d'une abstraction frauduleuse et d'une abstraction stupide, c'est-à-dire la logique de la dette, fondée sur de la fausse monnaie purement scripturaire et fiduciaire, et une zone euro qui est, comme d'ailleurs le principe même de l'économie monde voulu par le FMI, et qui est une pure abstraction aberrante qui ne correspond à rien par rapport à la diversité des peuples, de leur économie, de leur géopolitique, etc. Ce système est fou, stupide et d'une très grande violence, et il mène en ce moment le monde au chaos, et il est en train d'essayer d'entraîner la totalité du monde dans le chaos, y compris ceux qui y résistent, et nous sommes, je dirais, à la veille d'une très grande catastrophe, à mon avis même, et c'est d'ailleurs l'avis de beaucoup, beaucoup d'économistes aujourd'hui et d'experts, une catastrophe bien plus grande que celle comment dirais-je, de la crise de 29, et qui a les mêmes origines, mais encore aggravée. Voilà. Monsieur de Soral, pensez-vous que ce sommet était un échec pour le président français, Monsieur Nicolas Sarkozy, qui voulait se montrer comme le sauveur de l'Europe et ensuite en profiter pour améliorer son image sur la scène de la politique intérieure française? Bon, je crois que toutes ces gesticulations-là ne peuvent plus faire grand-chose face à la réalité, car nous sommes en ce moment dans ce que Lénine appelait l'éternel retour du réel, c'est-à-dire que en fait ce sommet ne pouvait déboucher que sur un accord. Cet accord est une pure donc pareil, il y a une pure déclaration de papier fondée sur des tonnes supplémentaires de fausses monnaies papier. Et en fait, Sarkozy, il est face à des choses bien plus graves, qui est la crise de la réelle économique, c'est-à-dire la montée du chômage, le blocage de plus en plus, on verra, du système de consommation et donc de plus en plus de surproduction, l'insécurité qui va avec tout ça, aussi la soumission au processus mondialiste d'immigration incontrôlée qui aggrave encore tout ça. Et ça, les Français, je pense qu'ils ne peuvent plus se laisser illusionner par ces tours on va dire, de prestidigitateur. Hein. C'est devenu un prestidigitateur, il fait des tours de magie, quoi, hein. Il sort des lapins d'un chapeau, etc. Mais à côté de tout ça, il y a la réalité. Les Français l'appellent en pleine figure, les Européens l'appellent en pleine figure. L'Union européenne, ce qu'on appelle l'Europe, a mené à la catastrophe totale, hein, puisqu'il faut bien voir qu'effectivement, c'est un échec total en termes d'emploi, de pouvoir d'achat et de sécurité, et que nous sommes à la veille de l'écroulement de l'Union européenne et donc du discrédit total de ceux qui portent ce projet, dont Nicolas Sarkozy en France, qui est à la fois un agent américain, un agent du mondialisme et le porteur de ce projet déjà mort, qui est l'Union européenne. Voilà.